Chapitre 6e. Sur la courtine déserte, aucun bruit ne troublait le calme et le silence de la nuit. Au loin seulement, on entendait le chant des coqs qui saluaient bruyamment l'approche du jour. Déjà les étoiles pâlissaient du côté de l'Orient, et au ras des prairies sombres, une longue traînée blanche rayait les profondeurs bleuâtres du ciel, tandis que de légères vapeurs, se contournant çà et là comme un immense serpent, flottaient au-dessus de la rivière dont elles indiquaient le cours. Lorsque la porte de la maison eut été doucement refermée par Sophie, Aurélien fit quelques pas en avant, comme pour reprendre sa course. Mais bientôt il s'arrêta et resta immobile à regarder, la tête levée, la fenêtre de cette maison d'où il venait de sortir. Puis tout à coup, un frisson l'agita de la tête aux pieds. Sans doute, c'était l'humidité de la nuit, et le froid du matin qui, le saisissant brusquement, le faisait trembler ainsi. Et par un geste machinal, il serra son paletot sur sa poitrine. Dans ce mouvement, sa main rencontra le paquet de lettres qui lui avait été remis par Sophie, et il l'appuya fortement dans sa poche de côté. Alors, baissant la tête, il se mit en route d'un pas rapide, regardant devant lui et non plus derrière. La ville n'était pas encore éveillée, et à l'exception de deux ou trois ouvriers matineux, qui virent avec surprise passer près d'eux cette ombre silencieuse, il arriva à la porte du jardin de sa mère sans mauvaise rencontre. Il était grand temps de rentrer, car le jour s'avançait rapidement, et déjà l'aube matinale blanchissait les clochers des églises et les tours pointues de vieux châteaux. Au retour, comme au départ, il eut soin d'éviter le gravier des allées pour marcher sur les gazons, mais cette fois la rosée qui courbait les herbes mouilla le feutre de ses chaussons. Sous sa main légère, la serrure de la porte du vestibule s'ouvrit sans bruit, et à la clarté vacillante de la veilleuse, dont la mèche carbonisée s'était coiffée d'un champignon rouge, il put la refermer doucement, ainsi que les verrous. Maintenant, il n'avait plus qu'à monter l'escalier, ce qu'il fit avec précaution et si heureusement qu'il fut convaincu que personne dans la maison n'avait pu l'entendre. Cependant, à peine la porte de son appartement était-elle refermée, que celle qu'il faisait vis-à-vis de l'autre côté du vestibule s'ouvrit, et Madame Prédavoine parut. Elle était revêtue de la même toilette que la veille, et bien certainement, elle ne s'était point couchée, passant sa nuit debout à attendre la rentrée de son fils. Après avoir écouté un moment, sans rien entendre de suspect, elle descendit l'escalier et alla retirer de la serrure la clé qu'Aurélien venait d'y laisser. Puis elle alla l'accrocher à un clou dans un petit cabinet où étaient pendues toutes les clés de la maison. Si, en descendant le matin, la cuisinière allait comme de coutume ouvrir la petite porte du jardin, elle la trouverait dans l'état même où elle l'avait vue le soir, c'est-à-dire sans clé. C'était là une précaution bonne à prendre pour cacher la sortie d'Aurélien. Par ce moyen, la cuisinière, qui ne trouverait pas le matin une clé qu'elle avait vainement cherchée le soir, n'aurait point à se demander comment s'était opéré ce miracle. Il en échapperait ainsi à des curiosités contre lesquelles il est toujours prudent de se défendre. Sans doute, Barbe était une bonne fille, mais enfin, si bonne fille qu'elle fût, ce n'était pas une raison pour se fier à elle. Qui pouvait savoir à qui elle parlerait de cette étrange découverte d'une clé tombant du ciel dans le trou d'une serrure? Les esprits travaillent vite dans une petite ville. On cherche, on imagine, on combine, on invente, et d'extravagance en extravagance, on arrive parfois à la vérité. Empêché qu'on dit dans Condé que la nuit même de son arrivée, M. Aurélien Prêt-à-Boine avait découché, cela valait bien quelques heures passées sans sommeil. Quel scandale, mon Dieu! Si de pareils propos se répandaient, et surtout, dans les circonstances présentes, quel danger! Ce danger écarté, Mme Prêt-à-Boine, tranquillisée, se hâta de monter l'escalier. Mais en arrivant aux dernières marches, elle s'arrêta, surprise. Sur le mur des remises qui se trouvaient dans la cour et faisaient vis-à-vis aux fenêtres de la chambre d'Aurélien, dansait une lueur fantastique qui tout à coup s'élevait jusqu'au toit et tout à coup aussi se rapetissait et s'évanouissait. Qu'est-ce que cela pouvait être? Ce fut la question que se posa Madame Prêt-à-Boine. Il semblait que ce fût le reflet d'un grand feu brûlant dans la chambre d'Aurélien. Mais où aurait-il pris le bois pour faire ce feu? En cette douce saison, les cheminées avaient été nettoyées et les coffres étaient vides. Et puis ces lueurs ne devaient point être projetées par un feu de bois, qui brûle régulièrement une fois qu'il est allumé, mais bien plutôt par un feu de paille ou de papier. Cette dernière hypothèse amena un sourire sur le visage de Madame Prêt-à-Boine. Elle l'avait trouvé. et elle rentra dans sa chambre avec une légèreté qui n'était plus de son âge. C'était à croire qu'il venait de lui pousser des ailes. Une lampe, l'abat-jour baissé, brûlait sur une table encombrée de livres. Elle s'assit devant cette table, mais elle ne reprit pas sa lecture dans le livre ouvert sous la lumière de la lampe. Accoudée dans son fauteuil, les mains jointes, les yeux fixés devant elle, sans rien regarder, elle resta immobile, suivant le rêve de son esprit. Ce fut dans cette attitude que le jour levant la surprit et la tira de sa méditation. Vivement, elle éteignit la lampe, et quittant son fauteuil, elle s'occupa à ranger dans une armoire fermant à clé les livres qui avaient occupé ses heures de la nuit. L'un était un gros volume compact qui portait pour titre « Dictionnaire pratique et critique de l'art épistolaire français ». Un autre, de format moins considérable, était le manuel du cérémonial. Un troisième, le guide du savoir-vivre. Le soin qu'elle mit à bien enfermer ses livres disait clairement qu'elle désirait qu'ils ne fussent vus par personne. Cela fait, elle enleva les couvertures et les draps de son lit, de façon que sa femme de chambre ne put pas voir qu'elle ne s'était pas couchée. Puis elle procéda à sa toilette. Mais alors, poussant les précautions jusqu'à l'extrême, elle quitta sa robe de mérinos noire, qu'elle portait invariablement du lundi au samedi, pour en revêtir une autre, un peu moins simple. Quand la messe de 6 heures sonna au clocher de la cathédrale, elle était prête, et à la voir descendre la rue de l'évêché, alerte et vive, marchant de son pas glissé, personne n'eût pu admettre qu'elle avait passé la nuit dans son fauteuil à lire le guide du savoir-vivre et le manuel du cérémonial, au lieu de dormir tranquillement dans son lit comme il convenait à une femme de son âge. À la messe, elle édifia tous ceux qui, placés près d'elle, purent voir son attitude pleine de recueillement. C'était pour 11 heures que l'abbé Armand avait été invité à déjeuner. Madame Prêt-à-Boine, qui connaissait son exactitude et savait qu'à 11h05, il sonnerait à la grille, s'inquiéta, vers 10 heures, de n'entendre aucun bruit dans l'appartement de son fils. Assurément, Aurélien dormait encore. Elle écouta la porte et n'entendit rien. Alors elle se décida à entrer. Il ne fallait pas que l'abbé Armand fût exposé à attendre. Que dirait-on dans la ville si l'on apprenait que M. Aurélien Prêt-à-Boine n'était pas encore levé à 11 heures du matin, que de clabauderie? Ce sera presque aussi grave que l'histoire de la clé. Sans compter qu'il est toujours mauvais pour un jeune homme de faire dire de lui qu'il reste tard au lit. C'est donc un paresseux. Or, pour le succès des dessins de Mme Prêt-à-Boine, il importait beaucoup qu'Aurélien acquit la réputation d'être un travailleur. De la bibliothèque, elle passa dans la chambre à coucher, où Aurélien dormait du plus profond sommeil, le nez tourné vers la muraille. Avant de l'éveiller, elle regarda la cheminée où l'âtre était presque entièrement rempli de papier brûlé, et sur quelques feuilles tortillées par le feu, mais non réduites en cendres, on apercevait des lignes entières d'écriture se détachant en caractère blanc sur fond noir. Elle était entrée assez vivement, n'ayant pas peur de faire du bruit. Mais après avoir aperçu ces feuilles de papier, elle marcha vers la cheminée, sur la pointe des pieds, en retenant son souffle et les yeux attachés sur son fils. Il continuait de dormir et elle voyait ses épaules qui se soulevaient et s'abaissaient par un mouvement régulier qui prouvait la tranquillité de son sommeil. Arrivée à la cheminée, elle se baissa avec précaution, les quelques bouts de lignes que de loin elle n'avait pu voir que confusément, se détachèrent alors avec assez de netteté pour qu'elle les lût, et d'autant plus facilement qu'elles étaient d'une écriture qu'elle connaissait bien, celle de son fils. « Rien n'éteindra ma tendresse pour toi, chère Soph, à toi pour la vie. Tu es, et tu seras pour jamais, la maîtresse de mon cœur. Je t'adore. » À côté de ces feuillets s'en trouvaient d'autres, sur lesquels se dessinaient des caractères moins bien formés et qu'elle lut plus difficilement, car ils étaient d'une écriture qu'elle voyait pour la première fois. « Ne sois donc pas jaloux, mon mignon. Je n'aime et n'aimerai jamais que toi. Tout ce que tu voudras, je le ferai, ce qui est possible, ce qui est impossible. Dis-toi bien que je ne vis que pour ton bonheur. » Elle eût pu en lire davantage, mais à quoi bon? Elle en savait assez. Surtout, elle savait ce qui l'avait si fort tourmenté dans cette nuit d'attente. Tout était rompu, et ce qui n'était pas moins important, il était très probable que tout était détruit. De cette liaison qui l'avait tant inquiété, il ne restait rien. Rien que ces papillons noirs qui, insaisissables et impalpables, allaient se disperser aux quatre vents. Maintenant, il était à elle, bien à elle, rien qu'à elle, et personne ne viendrait se jeter à travers ses desseins. S'étant relevée, elle retourna doucement à la porte, puis, comme si elle y arrivait, elle frappa plusieurs petits coups contre le chambranle et elle appela son fils à plusieurs reprises. « Aurélien ! Aurélien !» Il se réveilla en sursaut et s'assit brusquement sur son lit. « Il est 10h15, » dit-elle. « Ne vous entendant pas remuer, je suis montée pour vous éveiller. Nous avons M. l'abbé Armand à déjeuner. »« Ah oui, » répondit-il d'une voix empâtée. « C'est vrai, pardonnez-moi, je m'étais endormi comme une marmotte. Et vous dormiez si bien que je ne vous aurais pas réveillé sans ce déjeuner. C'est sans doute la fatigue du voyage ?»« Assurément. » Puis, d'un air indifférent, elle s'approcha de la cheminée et regarda le foyer. « Tiens, vous avez brûlé des papiers ?» demanda-t-elle. « Oui, des papiers inutiles qui m'auraient gêné. Je les ai brûlés avant de me coucher. Vous avez bien fait. Il ne faut jamais garder des papiers qui ne doivent pas nous servir, car bien souvent, ils servent aux autres. » Puis, changeant de ton et appuyant sur ce qu'elle disait comme sur une chose de grande importance, « À propos, mon cher enfant, quelle toilette comptez-vous faire ?»« N'importe laquelle. » « Eh bien alors, je serais bien aise de vous voir revêtir une redingote noire et un pantalon gris clair. La redingote boutonnée vous va très bien. Elle vous donne l'air grave, tout en montrant la finesse de votre taille. Avec cela, des bottines, n'est-ce pas? Et non des bottes. Un col droit et non un col rabattu, qui est trop négligé. Il sera fait comme vous le désirez, chère maman, et dans une demi-heure, je vous rejoindrai au salon. » Il fut exact. En moins d'une demi-heure, sa toilette fut achevée, et il descendit au salon où Madame Prêt-à-Boine l'attendait, les yeux attachés sur les aiguilles de la pendule. Elle se retourna vivement pour le voir entrer, et à mesure qu'il s'avança vers elle, elle laissa paraître sur son visage un sentiment de satisfaction qui devint bien vite de l'admiration. « Oh, mon cher fils !» s'écria-t-elle, et sa voix, ordinairement claire et sèche, trembla d'émotion. Mais la sonnette de la grille, tintant doucement, interrompit cet élan d'effusion maternelle. L'aiguille de la pendule marquait 5 minutes avant 11 heures. C'était assurément M. l'abbé Armand qui arrivait. En effet, au bout de 2 minutes à peine, la porte du salon s'ouvrit devant un prêtre de petite taille, mais de vaste corpulence, qui marchait la pointe des pieds en dehors, les talons approchés, la tête des trois quarts et le nez au vent. Madame Prêt-à-Boine se précipita au-devant de lui avec des génuflexions, comme en font les gens d'église lorsqu'ils passent devant le tabernacle. Pour lui, il salua d'une simple inclinaison de tête, car il ne pouvait que difficilement plier son échine, et après avoir tendu à Aurélien sa main courte et potelée, il s'assit dans un fauteuil avec un soupir de satisfaction, un homme qui est presque aussi heureux de trouver un siège qu'un naufragé à bout de souffle et de force quand il touche enfin le rivage. La marche lui était en effet extrêmement pénible, et c'était un des malheurs de sa vie d'habiter Condé, une ville qui, pour une bonne partie, la vieille, est bâtie sur un coteau aux pentes escarpées. Pour les âmes sensibles, c'était pitié de le voir gravir ses rues rapides et s'arrêtant à chaque pas pour souffler, et pour les esprits moqueurs, c'était un plaisir de le voir les descendre, car, empêché par la proéminence de son ventre, de regarder à ses pieds, il s'avançait en aveugle, le visage levé et les deux mains étendues en avant comme s'il avait peur de tomber. Ce qui eût été assurément très grave, car rond comme une barrique, il eût roulé jusqu'au bas de la pente. Qui eût cru que ce prêtre, de tournure hétéroclite, avait pu être le plus charmant des abbés? Et cependant, tel il avait été 25 ans auparavant à la sortie du séminaire, quand Monseigneur Aurélien l'avait pris pour secrétaire intime. Pris là de belles manières et de goût délicat, Monseigneur Aurélien aimait à s'entourer de figures sympathiques et de caractères agréables. Il avait remarqué à son séminaire ce jeune abbé Armand, qui lui était signalé par le professeur d'histoire ecclésiastique comme un de ses plus brillants élèves et par le professeur de dogme comme un dialecticien de première force, capable de discuter pendant une journée entière sur la Gracia de Condigno ou de Congruo, sans hésiter un quart de seconde devant le mot à employer. Plusieurs autres élèves du séminaire possédaient, il est vrai, les mêmes qualités, mais l'abbé Armand en avait de spécial et de personnel qui lui désigna l'attention en même temps que la bienveillance de Monseigneur. D'abord, il était fils du marquis d'Ypréau, et les d'Ypréau étaient avec les La Roche-Dodon et les Rudemont les plus hauts représentants de la noblesse dans le diocèse. Aussi, quoique la filiation du jeune abbé fût illégitime et même adultérine, n'en était-elle pas moins une puissante recommandation auprès de Monseigneur, qui, de grande maison lui-même, était plein de considération pour tous ceux qui avaient de la naissance alors même que cette naissance était entachée d'une barre de bâtardise. Enfin, il était l'abbé le plus joli, le plus coquet qu'on eût vu au séminaire, et son visage rond, au teint rosé, malgré la cuisine de l'ordinaire, ses cheveux frisés, ses mains à fossettes, son aimable sourire, qui découvrait si gracieusement ses petites dents blanches, l'aisance de son maintien, la grâce de ses manières, avait fait de lui un véritable séraphin. C'est ainsi que doivent être les anges, disait-on, et ce mot était accepté comme vrai. Séduit par tant de mérite, Monseigneur l'avait choisi pour secrétaire intime, et la noire envie elle-même, soulevée par une faveur si extraordinaire, avait été obligée de reconnaître que pour porter la crosse sous la mitre de Monseigneur, l'abbé Armand était doué de grâces incomparables. C'était une révélation dans le cérémonial. Mais il avait su bien vite se rendre, d'autre part, plus sérieusement utile, n'ayant ni caractère propre, ni idée personnelle, ni indépendance d'esprit. Il était devenu en quelques semaines une copie fidèle de Monseigneur. Il parlait avec les intonations de Monseigneur, il marchait comme Monseigneur, il riait comme Monseigneur, il écrivait comme Monseigneur, non seulement pour le style, dont il avait admirablement attrapé l'allure et la tournure, mais encore pour l'écriture même qu'il reproduisait avec une perfection qui eût trompé M. Prudhomme ou tout autre expert aussi illustre. L'évêque avait commencé par s'amuser de ce talent, mais bientôt, la paresse aidant, il s'était laissé aller à l'employer, tout d'abord pour des lettres insignifiantes, puis, peu à peu, pour des affaires plus importantes, si bien qu'en quelques mois, ce petit Armand, qu'on n'avait pas voulu prendre au sérieux, était devenu une puissance. Ce n'était point un des flambeaux de l'épiscopat français que Monseigneur Aurélien, mais ce qui est plus rare de notre temps, où tant de princes de l'Église ne sont que des fils de paysans, qui restent malgré tout des paysans, c'était un évêque grand seigneur. Personne ne saluait comme lui, personne ne bénissait comme lui, personne ne recevait comme lui, et personne ne pouvait lui être comparé pour la grandeur et la noblesse des manières. De tous les évêques de France, il était celui auquel on disait le plus volontiers votre grandeur, tant cela paraissait naturel. Quand Monseigneur Aurélien avait quitté le petit siège de Condé pour devenir archevêque, il avait bien entendu emmené l'abbé Armand avec lui, et comme il lui était de plus en plus indispensable, il l'avait maintenu dans ses fonctions sans se demander si le secrétaire intime ne méritait pas de l'avancement. Pour le moment, on avait besoin de lui, plus tard on verrait. Mais ce plus tard n'était jamais venu, car à mesure que l'archevêque s'était fait vieux, il avait eu de plus en plus besoin des services de son secrétaire. Ce n'était pas quand la main était presque paralysée qu'on pouvait se passer de la plume alerte de l'abbé Armand. Ce n'était pas quand la pensée se faisait lente qu'on pouvait renoncer à un traducteur qui saisissait les indications les plus vagues et savait donner une forme précise à ce qui n'était que balbutier. L'abbé Armand avait souffert de cet injuste oubli, mais dans son dépit, il n'avait pas été jusqu'à s'en fâcher franchement et rompre le lien qui le retenait. D'ailleurs, en rompant ce lien, il rompait du même coup ce qui était son bonheur et sa vie, qu'il força son maître à lui donner la position à laquelle il avait droit. Où irait-il ? Dans une petite ville, dans une bourgade, alors plus de relations du monde, plus de bons dîners, c'est-à-dire pour lui le néant. Il fallait attendre. Il avait tant attendu que Monseigneur Aurélien était mort sans avoir rien fait pour lui et qu'un nouvel archevêque était arrivé. Mais alors l'abbé Armand n'était plus un séraphin. Les bons dîners avaient produit un effet désastreux dans cette nature prédisposée à l'obésité. Son petit nez retroussé était devenu un gros nez obtus. Son petit menton rond descendait maintenant en cascade luisante sur son rabat. La congestion graisseuse l'avait envahi de la tête aux pieds. On lui avait offert un doyenné dans un petit bourg, et bien qu'il n'eût aucune fortune, il avait refusé. Alors, il était revenu à Condé, et à grand-peine, on l'avait fait nommer chanoine par Monseigneur Hyacinthe. Ses anciennes relations n'étaient pas toutes rompues, il pouvait vivre encore.